Jonas Marais. Salut à toutes et à tous, on va se marrer avec l'équipe des permanents. Autour de la table aujourd'hui, GG. Ouais, ouais, ouais. Bob du club. Ouais. Frédéric Coster. Bravo. Oh, excellente émission. Énorme, quel talent. Et notre invité, comment ça, qui a dit énorme? C'est lui, c'est José. Et notre invité ce soir, José Cruz. Ouais. Bravo. Bravo. Énorme. Bonsoir, bonsoir. L'émission sera réalisée par Davy, quand même. Eh ben oui, faut le dire. Faut le dire. Et animée par Philippe Bello. Eh ben, ça va être donc bien. Alors, avant de parler de l'invité, on va quand même se faire son autopromo, n'est-ce pas, Frédéric? Alors, le Comic Hall. Le Comic Hall. C'est le titre exclusif du spectacle de Frédéric Coster. Ah, le comic out. Déposé à la SACEM. Si vous voyez quelqu'un d'autre avec ce titre-là, je suis en procès avec lui. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que ça existe, ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a piqué mon titre. Et comment s'appelle cette salope? Moi, je déteste. On va lui faire GG. Non, je déteste dénoncer les gens. Ah, oui. Donc je ne dirai pas que le mec s'appelle Éric Marchand. Voilà. Oh. Ah, mais attends, on le connaît, lui. Oui, c'est l'incroyable de fiancé. De... Ah, oui, oui, oui. Ah oui, bah ça doit être drôle ce spectacle. GG toujours aussi classe. Et notre invité, alors José Cruz, qui est déjà venu bravo nous voir. Ah oui, bravo, bravo, oui, bravo, bravo. Quel talent. Énorme talent. Qui est déjà venu nous voir il y a quelques mois dans l'émission. Tout à fait, c'était il y a quelques mois, et puis bah, c'était génial, et je suis super content d'être à nouveau avec vous. Mais parce que, en plus, tu es à l'affiche d'une nouvelle salle. Tout à fait, une salle beaucoup plus grande maintenant, je suis, c'est quasiment l'Olympia, ça s'appelle le théâtre Darius Milhaud, c'est 80 allée Darius Milhaud, 75 019 Paris, métro Porte de Pantin, ligne 5, bus 75, PC 2, PC 3, porte de Chaumont. Ah, tu sais que c'est juste à côté de chez moi, tu peux venir boire un verre avant. C'est pour ça que je précisais. Ah, en plus il est mignon. Oui, ah oui. Le problème, c'est que s'il vient boire un verre chez toi avant de faire son spectacle, on n'est pas sûr qu'on l'ait à l'heure au spectacle. Si, on l'amènera, et on le ramènera. Oh. Ouais. Alors le one man s'appelle Hola. Hola. Toujours. Hola. Toujours. Hola. Hola. Hola. Ça s'appelle toujours Hola. Pour nos amis auditeurs qui nous écoutent maintenant, parce que depuis que t'es venu, il y a de la nouveauté, puisque cette émission maintenant est diffusée dans la France entière. Wow. Alors pour nos amis qui nous écoutent dans la France entière, ils parlent de quoi ce spectacle Hola? Eh bien, alors c'est l'histoire d'un jeune homme. Il est comédien, il parle le frantouguet. Le frantouguet. Le frantouguet. Qu'est-ce que c'est que ça? Le frantouguet. Qu'est-ce que c'est que le frantouguet? Bob, c'est quoi le frantouguet? Je sais pas. Moitié français, Fred. Moitié portugais. Non, ça c'est du tuning. Non, le frantouguet c'est du français parlé par un portugais. Exemple, devant une situation surprenante et non prévue, un individu lambda X ou Y parlant correctement français s'exclamera « Ça perd les popettes !» Et ben en frantouguet, ça donnera « Bordel de merde !» Oui. Donc c'est un spectacle pas exclusivement réservé à nos amis portugais. Non, pas du tout, il est uniquement en français et oui, donc avec du frantuguet. Et il y a à peine 2-3 mots en portugais qui sont bien entendu traduits mais qui ont leur importance dans le spectacle. Très bien. Donc on est obligé de tenir avec son dictionnaire. Pas du tout, pas du tout, je suis là, j'explique tout. D'accord. Et puis on a des haut-parleurs pour les personnes âgées et... Ah, c'est important pour Bob. Oui, oui, merci. Et vous offrez aussi les déambulateurs pour Bob. Il y a des ascenseurs pour qu'il puisse arriver jusqu'à la salle, il n'y a pas de problème. Ah, tu vois, Bob, tu pourras sortir. Hein, ah, c'est bien. Est-ce bien que vous avez, pour les monter les escaliers, le petit fauteuil de Jean Lefebvre là? Tout à fait. Bah, j'ai peut-être y aller alors. Maurice en a un chez lui, comme ça, un petit escalier. Ah, il a un petit escalier, ouais. Tout petit. Ah, bah oui. Ah, bah oui, il habite au rez-de-chaussée. Il peut travailler à France Télé comme il risque rien. Bon, voilà. Alors dans l'émission, tu vas voir que l'émission est aussi évoluée. Oui, parce que sûr, ce soir, Maurice n'est pas là, donc on va pouvoir se foutre de sa gueule. Oui, c'est pas, il est en garde à vue. Il est en garde à vue. Oui, il a été arrêté avec un boxeur thaïlandais. Ah, 40 ans. 40 ans. Non, je comprends pas. Déjà, la semaine dernière, il a fait un hold-up raté, il a cassé sa voiture. Oui, c'est vrai. Oui. Hein, c'est ça qu'il a fait. Oui. Et là, c'est une histoire de mœurs cette semaine. Ouais, ouais. Ce qui me rassure quand même, c'est que pour une fois, il aura les oreilles qui sifflent et pas le reste. Bon, alors dans l'émission, tu vas voir que... Oui, c'est vrai que Maurice a été comédien dans l'arrière-train, s'il aura 3 fois. Donc, dans l'émission, maintenant, il y a des jeux comme avant, mais il y a des équipes. Et l'invité à la charge difficile de donner le nom des deux équipes pour que nos auditeurs s'y retrouvent. Donc, comment va s'appeler l'équipe de Bob du club et GG? Allez, comme vous êtes tous les deux très jeunes, les débutantes. Merci. Les débutantes. Merci. C'est pour les débutants, il a dit, Philippe. Ah, j'avais compris, les débutantes. Débutants. Et alors, votre équipe? Non, j'avais bien dit les débutantes. Ah, j'ai bien entendu, oui. Donc, Fred Koster, tu veux me reprendre à chaque fois? Tant que tu sauras pas orthographier mon nom sur Facebook. Je sens la private joke, tu te venges. Et puis, nom de la deuxième équipe. Eh ben oui, eh oui. The top of the best. Comment? The top of the best. The top of the best. Ah, the top of the best. Top of the best. Oui, Philippe ne parle pas le portugais. C'était d'anglais. Désolé. Donc c'est noté. Et pour que nos deux équipes marquent des points, voici la première question. Bravo la première question. Bravo. Bravo la première question. Je vais essayer de pas me faire baiser comme la semaine dernière. Il y a quelques jours. Qu'est-ce que c'est ce langage? Parce que on me donne des ordres. On me dit non, Bob, tu réponds pas aux questions. Donc tu laisses un peu. Et forcément, c'est les autres qui répondent là. Ah, parce que quand on répond pas, on se fait baiser. je me tais. ouais, je me souviens cette. Alors, à votre avis, quelle est la chanson la plus souvent chantée dans le monde? Dans le monde? Maway? Non. Maway? Comment tu dis, Bob? Maway? Je connais pas cette Maway. Maway. Petit Papa Noël. Non. La danse des canards. L'international. Non. La danse des canards. Non. Non. C'est un hymne. Comment? Est-ce que c'est un hymne? Non. Michel des Beatles. Non. C'est en français? C'est en anglais? Alors, en fonction des pays, donc c'est la même chanson, mais qui est chantée dans les, qui est chantée dans la langue du pays en fait. La Happy Birthday. Bonne réponse. Et oui, c'est logique. Un point pour l'équipe des débutantes. Bob, tu n'as pas répondu. Qu'est-ce qui se passe? Ah c'est plus une depuis longtemps. Maurice n'est pas là, ça va être toi. Bon, Jonathan. D'habitude, j'ai Maurice en face. Je vais sortir mon stylo rouge. Ce soir, c'est toi, Bob, que j'ai en face. Tant pis. Ben oui. Alors, une deuxième question. Pour un deuxième point, peut-être pour votre équipe cette fois-ci, José. Maway. Alors, dans la vraie vie. Oui. Qui s'appelait réellement Mireille Aigre? Mireille Mathieu. C'est pour Fred, ça. Mireille du Petit Conservatoire. Mireille du Petit. Mireille Dumas. Non plus. Mireille Aigre. Elle s'appelait Mireille, son pseudo, on la connaît sous le prénom Mireille? Alors, on la connaît sous le prénom Mireille, mais dans la vie aujourd'hui. Mireille d'Arc. Je sais, c'est Mireille du Petit Mireille Conservatoire. D'Arc. Non, mais on l'a déjà Mireille dit. D'Arc, j'ai dit. Oui, bonne réponse. Mireille d'Arc. Frédéric Costet. Eh bien, ça nous fait un point partout. C'est bon, c'est bon. Ça va nous permettre surtout d'entamer la première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. GG. Une blonde marche à reculons dans la rue. Mais que faites-vous? Lui demande un passant. Je recule. Ah, je vois bien, mais pourquoi? Parce que ma montre avance. Est-ce que vous connaissez la différence entre un pédophile et un pédiatre? Non. Le pédophile, il aime vraiment les enfants. Alors c'est une blonde qui rentre chez elle après avoir fait du shopping et elle entend des bruits bizarres qui viennent de la chambre. Les corbeaux. Alors elle se précipite. Qu'est-ce qui se passe? Elle ouvre la porte brutalement et elle trouve son mari qui est nu allongé sur le lit en sueur, tout étouffé, tout essoufflé. Déjà c'est drôle. Oui. Ah mais enfin chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Henri, je suis en pleine crise cardiaque. Oh, la blonde se précipite en bas pour appeler le SAMU. Allô, le SAMU. Non madame, c'est la redoute. Mais... Et il y a le petit enfant de 4 ans qui arrive. Maman, il y a tante Charlotte qui se cache dans ton armoire et en plus elle est toute nue. Je rappelle. Clac, elle raccroche, elle remonte, elle ouvre l'armoire, et effectivement, il y a la tante Charlet complètement à poil qui est recroquevillée, machin, elle dit: ah, salope! Mon mari est en train de faire une crise cardiaque et toi tu joues à cache-cache avec les gosses. Bon, on va revenir dans quelques instants. Oui. Toujours pour On va se marrer, et cette fois-ci, attention, il y aura un extrait du spectacle de José Cruz. Ah, ah, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ah, restez avec nous, on revient dans quelques instants. Retour d'On va se faire avec notre invité José Cruz. Et son spectacle, hola. Hola. Mais alors, il y a des auditrices qui nous ont appelé là pendant la pause, qui s'inquiètent, qui veulent savoir si José Cruz est un vrai Portugais. José, mais en France, ses parents viennent du Portugal. Mais est-ce que José Cruz parle vraiment portugais? José Cruz fala português, sim. Ah, fala português. Bem, e dá um grande abraço a todas as raparigas que estão a ouvir esta emissão. Oh. Enlève ton t-shirt et soulève les bras qu'on voit. Si oh. Non, alors non, et non, je savais bien que ça viendrait de France. Mais c'est pas une fille, c'est un garçon. Oh. Regarde, je suis un verbe. Regarde, je le prouve devant vous. Vous pourrez témoigner pour les auditeurs. Ah mais c'est oh vrai en plus. Là. Oh là là là, il a mais pas. Mais attends, mais il a complètement pas. Complètement un berbe, il a pas un poil sur le caillou. Mais c'est pas vrai portugais, c'est pas possible. Mais si, à partir de la ceinture, je redeviens portugais. Ah. Ah ben montre-nous. Un petit jeu, parce qu'il y a des jeux dans l'émission. Gérard aime beaucoup les jeux. Et donc, je vous propose le jeu du trivial, un jeu tout simple où vous allez devoir répondre pour marquer le point à au plus grand nombre de réponses possibles sur une carte du trivial. D'accord. Donc vous le savez, sur une carte du trivial, il y a 6 questions. Oui. Voilà. L'équipe qui répondra au plus grand nombre de questions sur sa part. Mal, hein. Voilà. Donc l'équipe qui donnera le plus grand nombre de réponses aux questions. Exactement. Merci José Cruz. Je rappelle que j'ai fait tous mes stages d'explication de jeu chez Guilux. Philippe Bello. Donc première carte pour l'équipe des débutantes. Donc là, il faut surtout pas répondre. Avec donc 6 questions. Bob, tu es prêt? Ah bah oui. C'est parti. Ça fait 30 ans. Quelle est la capitale de la Bulgarie? Sofia. Bonne réponse. Quel est le dernier film de James Dean? Géant. Bonne réponse. Voilà. Quel pays a vu son nation détruite le 5 juin 1967? La Libye. Non. De quel peintre flamand est la chute d'Icare? On a le droit qu'il y a une seule question. Oui. De quel peintre flamand est la chute d'Icare? De quel peintre flamand est la chute d'Icare? C'est le titre de l'œuvre, La chute d'Icare. Mais Icare quoi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Quel radeau Thor Heyerdahl a-t-il conduit du Maroc à la Bardade? Le radeau de la Méduse. Non. Quelle région a pour spécialité la Flamiche? Pardon? Une région. Ah non, non, non, c'est dans l'est de la France, la région française. Oui, la région française. C'est en Alsace. Non. C'était l'autre à côté. Alors, vous n'avez pas su. Qu'est-ce que vous n'avez pas su? Le pays qui a été détruit, c'était l'Égypte. Ah oui. Ouais. Le peintre flamand, c'était Bruegel l'Ancien. C'était pourtant facile, Bruegel l'Ancien. C'est simple. Le radeau. C'était la Peugeot 207 de Maurice. Le rat 2. Oui, le rat 2. Et la fameuse région où on mange de la Flamiche, c'est la Picardie. Ah, d'accord. Oui. On n'y va jamais en Picardie, c'est on déteste la Picardie. Vous avez quand même réussi à marquer 2 points. Ce qui est quand même pas mal. Ça fait un tiers. Alors, on va voir si l'équipe. Waouh! Si l'équipe des Top of the Best va battre ce record de 2 points. Va mériter son nom, surtout. Je suis avec Fred Koster. Dans moi, quelle... avec José Cruz. Dans quelle ville se trouve le Dam? Oh pardon. D-A-M. Oui. Le Dam, D-A-M. D-A-M. D-A-M, on est sûr que c'est pas Acid Jazz déjà. Dans quel pays? Oui. Quelle ville? Quelle ville ou pays? Dans quelle ville? Dans quelle ville? Le Dam, j'en sais pas. Aucune Dam, Pise. Ben non. Comment s'appelle le moco de Julien Devivier? Pépé. Bonne réponse. Quand Louis XVII a-t-il régné? Il faut qu'il compte les croix, les V et les bâtons. Louis XVII? Oui. Mais il a jamais régné. Bonne réponse. Quel assaisonnement est mentionné plus de 30 fois dans la... Oui, quel assaisonnement est mentionné plus de 30 fois dans la Bible? La vinaigrette. Vinaigrette. Tu vois la vinaigrette dans la Bible, toi. Merci, tu viens de nous faire paumer un point. Que la présente... Bible de la cuisine, oui. Que représente 5 traits en morse? Oh, qu'est-ce que j'en sais. 1. Non. 0. Quel est le quartier chaud de Bangkok? Oh, je sais pas. Fred? Bonsoir! Le quartier chaud de Banzou, je sais pas. Non, vous savez pas. Toi. Le marais ? La pipe qui taille, je sais pas. Alors, bon. De bonne réponse. Alors, même. La ville. Amsterdam, bah oui, la Amsterdam. Ville, c'était Amsterdam. Ah, non, j'ai failli dire ça. Oui. L'assaisonnement, c'était le sel. Oui. Les cinq traits, bah, il l'a dit après, José, c'était le zéro. Ouais, c'était un des deux. Et le quartier chaud de Bangkok, c'est Patong. Ah, Patong. Alors ça m'ennuie beaucoup parce que vous êtes. Ah, mais la loi a changé. En même temps, 2,5, on a donné à la loi. La loi a changé maintenant, Philippe. Ah. C'est plus Patong, c'est Patouche. Ah, bon. Depuis le livre. Voilà, ouais. Alors. Pour vous départager, il faut une question de rapidité. Ah. Une question, le premier qui donne la bonne réponse marque point. Question cinéma, s'il te plaît. Quel fleuve rugit à Bagdad ? Le Tigre. Le Tigre et le bonne et réponse de Frédéric Coster qui a dit le Tigre. Bravo, Patrick. Wouh, top of the best. Je ferai remarquer qu'il y a l'Euphrate aussi, hein. Puisque oui, c'est mais là qui rugit, Bob. Qui rugit. Qui rugit. Un Euphrate, ça rugit ? Oui. Non. Bon, alors, pour me récompenser de cet excellent jeu... Pour te récompenser. Voilà, je pense que les auditeurs attendent avec impatience un extrait du spectacle de José Cruz. Oui. Ils ont applaudi, toi, Fignas. Hola. Waouh, quelle ambiance ici dans ce studio. On commence, parce que j'ai dit... Le ça commence super bien. Hola. Hola. Ah mieux, j'adore. Bon bah alors bah je me présente, moi c'est vous allez voir c'est super facile à retenir, Bob, surtout pour toi vu ton âge. Merci. C'est agréable. Donc moi c'est José. José. José. Nuno, Manuel, Coelho, Duarte, Dejejus, De Vasconcelos, Da Cruz. Olé. Ah. Ouais. Bob, tu peux répéter ? Oui oui, olé. Bon, en même temps, je te rassure, Bob, ainsi que tous les auditeurs, auditrices, personne pour l'instant n'a réussi à répéter en entier. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, olé, c'est pas dans mon nom, mais moi je le rajoute parce que je trouve que ça fait rigolo. Mais, en fait, c'est plus espagnol, quand même. Vas-y, Fred, rigole avec moi, s'il te plaît. Je rappelle que c'est un spectacle comique. Merci, Fred, t'es sympa. Alors, et donc, voilà. Donc dans ce spectacle, bah comme c'est un peu indiqué, bah je parle le frantougué. Alors le frantougué, bah c'est du français parlé par un portugais. Et je me souviens toujours des premiers conseils que me donnait mon papa. Question fille. Oh. Ah, il y a Gérard qui s'en va, ça m'intéresse pas. Moi, les bonnes sœurs m'ont appris qu'il fallait pas fréquenter les filles. Je les écoute toujours. Ah, c'est interactif. Oui. Et d'ailleurs, comme les bonnes sœurs, tu t'en envoies un coup dans le cornet. Donc, c'est un spectacle en effet interactif. Ah, ah c'est la particularité. Ouais. Ah ouais, mais comprennent rien, c'est pour femmes. Mais vas-y, c'est ça. Et je me souviendrai toujours de mon premier amour. Vous vous souvenez de votre premier amour ? Oui. Ah, oui. Ah bah oui, tu penses, on se souvient comme ça. Pouf, quel enthousiasme. Quelle mémoire surtout. Moi c'était il y a pas très longtemps, c'était au collège. Ah, merci. Hier. Et elle s'appelait Mafalda. Ah. Oh, Mafalda. Mafalda. Comment vous la décrire, Mafalda, elle était et puis surtout elle sentait Ouais, elle sentait. Et... mais je vais te dire, ce qui me plaisait le plus en elle, quand même, chez cette fille, c'est qu'elle avait deux énormes pastèques. Alors, deux énormes pastèques, c'est du portugais, et en fait, ça veut dire que cette fille, bon, pour nos auditrices, ça voulait dire que cette fille, lorsque le soleil se levait, que la plaine, il éclairait, oh, de loin. De très très loin même. Et ben on voyait tout de suite que c'était elle. Bon bref, Mafalda, c'est mon tout premier baiser d'amoureux. Celui qu'on n'oublie jamais. C'était romantique. C'était dans les toilettes du collège. Ah, c'est ça l'odeur. Elle sentait. Chouchi. Chouchi. Elle avait un appareil. Chouchi. Le double. Hein. Ah oui. Chouchi. Embrasse-moi. Comme personne ne m'a jamais embrassé. Et moi. Oui, ma colombe sauvage. Moi aussi j'avais un double. Je m'approche d'elle tendrement, je la saisis par les hanches, je la bascule et... Oh, Une heure, ça a duré. Oh là là, on pouvait plus s'arrêter. En fait, notre appareil s'était coincé. T'en vas pas, t'es... Mafalda, reviens, t'as oublié une bague. C'est la première fois qu'on m'offre une bague. Et je l'ai plus jamais revue. Mafalda, la bague, je l'ai gardée. J'arrêtais pas de la regarder. Mon précieux. Elle nous a quittés. Mais heureusement, un soir, un être de toute petite taille, tout petit, encore plus petit que Bob. Ça existe. Avec tout plein de poils, plus que Gérard. J'ai pas beaucoup de poils. Menteur. Cet être est venu à moi. C'était en pleine nuit. Ça va, ça fait pas trop pigeon. Ben, ça fait pigeon quand même. Vous pourrez constater pendant ce spectacle que j'ai fait 10 années de mime. Et me remonta le moral. Bordel de merde. C'était mon papa. Jougère, écoute ton papa. Jougère, écoute ton papa. José, je t'en ai déjà dit, l'océan est plein de sardines. C'est la version frantougaise de mon papa de Une de perdue. 10 ans trouvés. Ah, Bob aussi, il a bien galéré. Mais moi, perso, ça aura toujours été Une de perdue. Une de perdue. Dis-moi de branlette. Allez, on revient dans quelques instants. Pour la suite, on va se marrer avec José Cruz. José, on t'aime. José, on t'aime. José, on t'aime. Le plus fragile. José Cruz. Ouais. Non, tu pourrais faire mieux que ça. Oui. Tu pourrais faire avec José Cruz. Ouh, yeah. Aïe aïe aïe aïe aïe. Et son spectacle Hola tous les samedis à 20h30 au théâtre Darius Milhaud à Paris, dans le 19e, métro Porte de Pantin, ligne 5. Juste à côté de chez moi. Quelle voilà, pour que nos éditrices te connaissent mieux, on va je vais te poser quelques questions très rapides avec juste des réponses très vite. Quel est ton chanteur préféré? Mon chanteur préféré, Netinho. Mais tu sais, ils sont complètement incultes, ils le connaissent même pas. Ah. Tu sais qui c'est, toi? Oui. C'est un chanteur américain dans les années 60, 60. Voilà, c'est un chanteur américain d'Amérique du Sud, donc du Brésil, et qui a 25 ans. Et ils sont des chanteurs. Voilà. J'ai donc, pas compris, j'aime bien Netinho. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Vous allez voir, c'est super génial. Ah c'est bon. Un mec, il donne la patate. Ah, ah ouais. Ton comédien préféré? Johnny Depp. Ta comédienne préférée? Johnny Depp. Oh là. Ingrid Bergman. Ah, ah oui. Ouais, on fait le grand écart là. Ah mais elle joue très bien. Pas elle hein. Non mais ouais, elle le fait plus hein. Ton plat préféré? La morue. Non, je la perdais celle-là. Voilà. Alors, dans la morue aux pommes de terre. Non mais je lutte contre les stéréotypes. Non, ce n'est pas la morue. C'est très bon la morue. C'est très très, morue. Très très bon. Et non, mon plat préféré, ça reste quand même les tagliatelles à la carbonara. Ah, oui, ça c'est bon ça. C'est un homme de goût en fait. Mais tu vois, GG. Hein. Et une petite dernière question, ton humoriste préféré? Fais très attention. Mon humoriste préféré, Coster. Fais très attention à ce que tu vas dire. Oh là là, commerçant. Il est juste à côté de moi en plus. Il a tendu sa main prête à dégainer. Stroupa. Non, mon humoriste préféré, Je vais dire ça peut être un autre ou une femme. Jerry Lewis. Eh ben pas loin, non, mais j'aimais beaucoup aussi Chaplin, ouais. Buster Keaton, et c'est vrai que Jerry Lewis. Oui, mais ça c'est au cinéma, non, mais sur scène. Ouais, mais ils ont aussi fait de la scène. Ah oui. Ils ont aussi fait de la scène, ils ont fait du cabaret, et après ils ont retranscrit tout ça sur la scène, et c'est vrai que c'est des gens Charlie que Chaplin, j'aime beaucoup. Charlie Chaplin, il a fait du cabaret. Ouais, bien sûr. Ouais, je l'ai connu personnellement. Non mais c'est vrai, après ils ont réussi à retranscrire sur des sites. T'as l'enfoiré parce que t'aurais quand même pu dire Frédéric Coster, ça lui aurait fait un peu de promo. Attends, il m'en manque deux. Donc je veux dire une fille aussi non, j'adore Foresti. Et puis bah c'est vrai que le cinquième c'est quelqu'un qui, ouais, elle est géniale. Elle est très drôle. Je l'embrasse d'ailleurs si elle nous écoute. Je lui fais un gros bisou. Je pense très fort à elle. Et puis bah celui qui était le début de ma carrière et je pense qu'il va m'inspirer jusqu'à la fin, c'est un certain Fernand Renault. Frédéric Coster. Ah, on l'applaudit, il est à côté. Ah oui. Ça fait un FMQ quand même. Hein. Non, pas du tout. Mais je dis pas ça parce que Frédéric Coster joue tous les vendredis et les samedis au Comic Hall. Métro Pyrénées. Je dis pas ça du tout parce qu'il m'invite en plus à cette émission et participer. Alors, sur le chèque. Donc, dit, puisque Frédéric Coster a été mis à la une de l'actualité. J'ai cru que tu avais dit a été mis Paris 1975. Non, ça se saurait. Ça saurait. Non, c'est la doublure de Madame de Frontenay. C'est ça. De profil. Et... Oh! De profil. Oui. Oui. Et donc, Frédéric, ici présent, nous a préparé petit quiz. Alors, oui. Donc, c'est un quiz. Il y a 8 personnes à reconnaître. Mm-hmm. Et tendez bien les oreilles. Ce sont des sportifs. Il faut reconnaître les 8. Bob, comme d'habitude, je te précise que le premier son qu'on va entendre, c'est pas un sportif qui chante. C'est le jingle. Il y a vraiment toutes les fondations, quoi. Ils ont fait un super truc. Et dans ces 5-6 prochaines années à venir, il faudrait que Toulouse commence à jouer dans les 5 premiers, quoi. C'était une bonne entrée en matière, premier tour, donc jamais évident de trouver le rythme. Mais je crois que c'est vrai que souvent quand je marche sur ce cours central ici à Coubertin, c'est toujours des bonnes sensations et cet Open Gaz de France m'a toujours réussi. Ah ben c'est magnifique, hein. L'hôtel de ville de Cruissant, c'est formidable, c'est unique. C'est vrai, bon, le titre a une grosse importance. Moi j'aurais préféré l'appeler Goodbye and Hello, mais c'est plus difficile à dire sur une affiche et à lire surtout. Donc on a laissé Hello and Goodbye parce que ça retrace vraiment 27 années de carrière. Mais comme je l'ai dit au président, à Pape, ça a bien changé. Parce que j'étais à la commanderie, il y avait des mobilhommes, donc de voir toute cette infrastructure, ces bâtiments, forcément, c'est une grosse satisfaction parce que c'est un outil de travail. Il y a plein d'étapes, mais certainement une des plus importantes, et ce dont je suis peut-être le plus fier, c'est celle, bien entendu, du début de ma carrière, quand personne ne me connaissait. J'étais passionné de karting. On a parlé la semaine dernière, on parlait, à un moment, il me dit, mais... Tu comprends qu'en fait, tous les deux, on est exactement les mêmes. Et c'est vrai, on est les mêmes. Alors, il y en a qui sont touchés et qui ont plus de mal, mais quelque part, on est les mêmes parce qu'on vit tout ça. You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line. Alors, il y en a un que j'ai mis quand même, que Bob n'a pas reconnu. Moi, j'en ai mis. Que j'ai mis quand même parce qu'il en faut pour toutes les générations. Ah. Oui. Et José, t'en as trouvé combien ? Moi, je pense 5-6. Ah. Moi, j'en ai marqué 3, mais ils sont pas bons tous les 3, sûr. Bon. GG ? Moi, 6. 6, Philippe ? Moi, j'en ai reconnu qu'un seul. Enfin, 2 avec le premier, mais je suis pas très fort en sport. Bon, alors, chez vous, vous avez réfléchi et vous allez pouvoir vous disputer pendant quelques minutes, puisqu'on va revenir dans quelques instants pour la réponse du quiz et la suite de l'émission avec José Cruz. Ouais. José en thème. Ouais. Retour d'On va se marrer. On va se marrer. Mais d'habitude, il y a Fred qui chante sur le générique. On va se marrer, non, c'est José. Mais d'habitude, tu chantes sur le générique. Ah oui, partir un jour pour se marrer. Non, pour toujours. Oh, alors, retour dans Basse-Marée avec la solution du quiz. Puisqu'avant la pause. Solution du quiz. Puisque tu nous as proposé un petit quiz très sympathique. La réponse, quoi. La réponse au quiz. C'était alors, donc des sportifs. Oui. Donc voici la décomposition de Bob. Ah oui, là, moi je suis déconfit. Allez, jingle. Attends, juste un petit instant, le temps qu'on retrouve ton quiz, quelqu'un l'avait effacé. Ah, c'est malin. Voilà, le quiz de Fred. Bon, moi j'ai mis Zizou. Non. Ça, c'était Zizou, ça? Oui. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, là? Oui. C'est pas ça. C'est bien la peine que toutes les semaines ça, tu lui dises. C'est bien la peine, hein. Attends, on va le refaire. On va le refaire. Attends, Bob, écoute bien. Écoute bien. Alors, c'était qui? Bah, je sais pas. C'était le jingle. Ah, voilà, jingle. Allez, on commence. Il y a vraiment toutes les fondations, quoi. Ils ont fait un super truc. Et dans ces 5-6 prochaines années à venir, il faudrait que Toulouse commence à jouer dans les 5 premiers, quoi. Alors, moi j'ai mis Zizou. Non. Super connasse. Moi, ça soit Maurice. C'était un vrai gardien de but, non? Oui. Barthes. Ah, le mec est tondu là. Oui. Bonne réponse de Philippe Bello. C'était Fabien Barthes. Exact. Ah bah je m'applaudis. Hein, parce... C'était une bonne entrée en matière, premier tour, donc jamais évident de trouver le rythme. Mais, non, c'est pas mais je crois que c'est vrai que souvent quand je marche sur ce cours central ici à Coubertin, c'est toujours des bonnes sensations et cet Open Gaz de France m'a toujours réussi. Amélie Mauresmo. Eh ben oui, bonne réponse. Je l'aime bien, cette goutte douce, je l'adore. Bah, elle dit cours central et Open Gaz de France. Mais même c'est vrai, c'est vrai. Moi, je l'aime bien. On peut se dire que c'est une tennis, tennis woman. Tu sais ce qu'elle préfère, c'est jouer sur gazon. Oh, oui. C'est magnifique. Oui, méchant. De ville, de cruissant, et c'est formidable. C'est unique. Ah, faudrait qu'on le réécoute, Philippe, celui-là. On l'a pas bien entendu. Très dur. Démerde-toi. Bon, déjà, il est pas tout jeune. C'est formidable, c'est unique. Ah, ça, c'était ta génération, Bob, du club. Moi, je crois que j'ai reconnu. Ah, vas-y. C'est pas Poulidor? C'est Raymond Poulidor. J'avais noté aussi. J'avais noté aussi, Poulidor. C'est vrai, bon, le titre a une grosse importance. Moi, j'aurais préféré l'appeler Goodbye and Hello. Mais c'est plus difficile à dire sur une affiche et à lire, surtout. Donc, on a laissé Hello and Goodbye parce que ça retrace vraiment 27 années de carrière. J'aime bien. On voulait faire Goodbye and Hello, mais c'était trop difficile. Alors, on a fait Hello and Goodbye. Moi, j'avais eu Patineur, mais c'est Bob qui a trouvé. Oui, Candelo. Ouais. Bravo, bonne réponse de Bob Duclair. Oui. C'est la seule réponse que je dois avoir. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas Maurice parce qu'il adore le patin. Mais comme je l'ai dit au président, à Pape, ça a bien changé. Parce que j'étais à la commanderie, il y avait des mobilhommes, donc de voir toute cette infrastructure, ces bâtiments, forcément, c'est une grosse satisfaction parce que c'est un outil de travail. Oui, alors j'ai reconnu la voix de José Cruz. C'est quand Lou, là, enfin, le mec de Europe 1 qui imite, là. Ah, voilà. Il imite tout le temps. Moi, j'ai peut-être la réponse, moi. Vas-y. Bah, moi, je pense que je dirais quand même Didier Deschamps. Eh oui, Didier Deschamps, bravo, José. Eh oui, puisqu'il dit j'en ai parlé à Pape. J'en ai parlé à Pape parce que moi, du temps où j'étais, c'était juste des bungalows. C'était à l'époque de Marseille. Et puis là, maintenant, il est devenu l'entraîneur, le coach. Ils ont quand même des voix d'abrutis, les footballeurs. Ensuite, ça n'engage que toi. Il faut appeler un chat un chat. Il y a plein d'étapes, mais certainement une des plus importantes. Lui, il a une voix reconnaissable. C'est un gros mieux. Au début de ma carrière, quand personne ne me connaissait, j'étais passionné de karting. Alain Prost. C'est Prost. Hey, bravo. Bonne réponse de GG. Oh, mais j'aime beaucoup les Ferrari. Ah oui, bravo. Le professeur, hein, qu'on l'appelait. Oui. On a parlé la semaine dernière, on parlait. À un moment, il me dit, mais tu comprends qu'en fait, tous les deux, on est exactement les mêmes. Et c'est vrai, on est les mêmes. Alors, il y en a qui sont touchés et qui ont plus de mal, mais quelque part, on est les mêmes parce qu'on vit tout ça. Aucune idée. J'aime bien quand être touché. C'est Yannick Noah. Oui, bravo GG. Bravo. Pour GG. Saga Africa. Ambiance de la brousse. Saga Africa. Vas-y que j'ai tes cous. Enfin, vous remarquez qu'en tennis, tu vois, finalement, je donnais un petit peu. You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line. Je sais. C'est McEnroe. John McEnroe. Alors un petit jeu pour un point supplémentaire. Allez. Ouais. Un petit jeu pour un point supplémentaire. J'ai sur deux papiers différents inscrit une question à propos des sept. Ah, c'est un nouveau jeu. Voilà. Donc c'est donc il y a un papier. Des sept quoi? Ah ben justement. Ah, pardon. C'est les sept quelque chose. Donc il va falloir citer sept quelque chose. Donc ça peut être sept quelque chose facile ou sept quelque chose difficile. Donc il y a un papier avec sept quelque chose facile et un papier avec sept quelque chose difficile. Je mélange les papiers. Ah oui. Et donc Gérard tire au hasard un des papiers entre deux verres. Et vous allez donc nous donner, Gérard, faut que tu nous dises ce qu'il y a sur le papier. Pose ton verre. Avec Bob, puisque vous êtes tous les deux en équipe. Tu sais bien, je les déteste. Non, mais il faut que tu nous dises ce qu'il y a écrit. Oui. Ce qu'il y a écrit. Oui. Ah bon. Marqué, je les déteste. Les sept nains de Blanche-Neige. Donc il faut citer les noms des sept nains. Alors. Simplet. Un. Prof. Deux. Atchoum. Trois. Grincheux. Quatre. Maurice. Oui. Timide. Y a pas, timide. Y a un cinq. Timide. Oui. Nicolas Sarkozy. Il y a. Alors attends, on a dit quoi? Grincheux. Grincheux, ah, ça fait un. Simplet. Deux. Prof. Timide. Attends. Timide, trois. Prof. Quatre. Y a pas. Atchoum. Atchoum. Cinq. Y en a pas un qui s'appelle travailleur ou je sais pas quoi. Non. Bon. Bricoleur. Y en a un que vous aviez cité tout à l'heure que vous me recitez plus là. Oui. Simplet, on l'a pas dit. Non, donc si, ça fait 6. Simplet. Branleur. Il en manque plus qu'un. Oui, ça finit pareil. Ah, niqueur. Non. Dormeur. Oui. Bonne réponse de Davy. C'est pas loin. C'est honteux. C'est honteux. Bonne réponse vous de Davy. Alors, José, je crains que c'était que le celui-là plus facile. Était facile. Oui. Oui, je crains que là, oui. Là, nous allons facile. Donc avoir maintenant le difficile. Les sept merveilles du monde. Ah. Aïe, aïe, aïe. Alors, ma bite. On peut me dire un recours. Ah non, c'est pour aider. Alors, les pyramides. Oui, les pyramides. Alors, les pyramides d'Égypte. Oui. Oui. Un. Le phare d'Alexandrie. Oui. Le phare d'Alexandrie. Deux. Les jardins suspendus de Babylone. Bravo. Trois. Les promesses électorales de Sarkozy. Ah non, c'est pas des merveilles. Il y a un truc en France aussi. C'était le phare. Le mec avait ses jambes de chaque côté du port. Allez, les filles. Ah ouais, le. Le géant balèze. De. Le pont de Tancarville. Le colosse. Ah oui. Le colosse de Rhodes. Ah, oui, le colosse de Rhodes. Ouais. Et en France. C'est disputé entre France, la Normandie et la Bretagne. Ah, le Mont-Saint-Michel, il en fait partie? Non. Non, pas du tout. Non, non, non. Il fait pas partie des sept merveilles du monde. Non, c'est des trucs qui n'existent plus. Enfin, y a... le Parthénon, le Panthéon, là, en Grèce, non? Oui, il y a un truc en Grèce, oui, oui. Il y a un le Colisée. Non, c'est à Rome, idiote. Le temple de... Le Parthénon, non? Non. Le temple de Diane? Non. Le temple maudit? Non, un des dieux grecs les plus connus. Voilà. Ah, le temple de Zeus. Voilà. Le temple de Nikos. Voilà. Le temple de Zeus. Donc ouais. Ça fait 4, ça fait 5. Il en manque combien? Il en manque 2. Ils sont tous les deux en Turquie. Non, il faut que je vous les donne là, parce que si vous ne savez pas, vous ne trouverez pas. Il y a le mausolée d'Halicarnasse. Ah, oui, bon, exact. Vous ne connaissez pas. Oui. Et il y a le temple d'Artémis à Éphèse. Voilà. Ouais. Bonne réponse de Bob du Club. C'est pas terrible ton nouveau jeu. Bon, allez, on revient dans quelques instants avec José Cruz. J'habite en thème. Bon, allez, pour remonter le niveau de ma dernière blague, voici la nouvelle tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Une blonde rentre dans un magasin d'animaux, ça s'appelle une animalerie. À l'entrée, elle voit un perroquet, 3000 euros, putain, comment ça se fait que ce perroquet est si cher? Ah ben, paname, il parle deux langues. Vous lui tirez sur la patte droite, il parle français. Vous lui tirez sur la patte gauche, il parle l'anglais. Waouh ! Ils sont le tir les deux pattes. Et le perroquet répond, je me casse la gueule, connasse. Je voulais être un peu grave deux minutes. Ah. Pour parler du passé de Maurice. Ah. Car on le sait peu, Maurice a été dans la Gestapo pendant. Et un jour. Va reprendre après ça. Mais c'est ma faute. C'est bon, ça c'est fini, oui. Arrête, Gérard. Et donc un jour. Et donc un jour, Himmler est venu visiter la Gestapo, rue Lauriston quand même. Ah, et donc ils sont tous alignés sur une file avec leurs impairs noirs, là, tu sais, les trucs. Alors, fou, comment vous appelez-vous? Qui êtes-vous? Le mec, il se met au garde-à-vous, il fait Jean-Michel Dupont, gestapiste. Très bien, formidable. Et fou, le suivant? Maurice Durand, gestapiste. Il est fait tous comme ça. Et puis au bout de la file, il y a Maurice, il fait, et vous? Maurice, gestapette. Bon alors, vous savez, alors avant que José nous raconte sa blague, quand même, puisqu'on parle de Maurice, il faut quand même qu'on prenne des nouvelles. Alors, il n'est pas là ce soir. Cependant, grâce à un micro caché, nous allons pouvoir avoir la réclamation de Maurice. Et c'est vrai, nous avons caché un micro. Lors d'un repas avec Maurice. Mais vous l'avez caché où? On l'avait. Pas comme les terroristes. Non. Donc on lui avait caché un micro à côté de lui. Et Maurice, vous verrez, vous allez voir que non seulement il fait des réclamations dans l'émission, mais il en fait aussi dans les restaurants. Maurice, t'as une réclamation à faire, non? Oui, on n'a pas nos apéros et tout. Whisky coca, deux whisky coca avec un coca. Tu vois, Maurice est en train de réclamer son apéritif au restaurateur quand même. Et après, on dit que c'est moi qui bois, merci. Oui. Parce que Maurice avait compris que la TVA avait baissé sur les apéritifs. En fait, c'est sa vue qui baisse. Ah oui, ben ça, oui. Alors, la blague de José Cruz. Un homme rentre chez lui, mais tout excité. Mais vraiment, il est surexcité. Il est. Oh, chérie. Chérie, tu vas pas me croire. J'ai gagné au loto. Ah non, c'est pas vrai. Dis-moi toi que c'est pas vrai. C'est vrai. Mais oui, je te dis. Vas-y, fais tes valises. Ah d'accord, tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends? Où on part? Tu pars nulle part. Tu prends tes valises et tu te casses. Alors c'est un vieillard de 80 piges qui va voir son médecin. Bonjour docteur Poussin. Oui bonjour monsieur. Ouais, écoutez, je viens vous voir parce que tout compte fait je suis en pleine forme. Bon. Mais je sors avec une petite poulette de 18 ans là, putain, voilà. Vraiment, ouais. Et alors voilà, et alors le problème c'est que je l'ai foutu enceinte. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça docteur? Voilà. J'ai un ami qui est passionné de chasse, il a jamais manqué une saison. Alors un jour, il est parti chasser. Il est pressé, il se trompe. Au lieu de prendre son fusil, il prend son parapluie. Alors, il se trouve dans la forêt, il voit un ours, il prend le parapluie, il appuie sur la poignée, et vous devinez ce qui se passe? Ah ben non. Eh ben, l'ours tombe raide mort. Bing! Enfin, c'est impossible que quelqu'un a dû tirer à sa place. Oui, c'est exactement là que je voulais en venir. Une brune se plaint du sexe de son mari. Elle le juge trop petit pour qu'elle puisse éprouver du plaisir. Une copine blonde lui conseille. Laisse tomber ton mari, chérie. Achète-toi des carottes. C'est moins cher qu'un godemichet et tu verras, ça fait très bien l'affaire. C'est la chute. La brune achète donc un kilo de carottes. Ah. Quelques jours plus tard, après les avoir toutes consommées, la brune retrouve sa copine. Alors, t'as essayé les carottes? Interroge la blonde. Petite conne, j'ai essayé et j'ai rien senti. Faut vraiment être blonde pour conseiller des conneries pareilles. Moralité, il faut plus d'un kilo de carottes pour rendre une brune aimable. C'est l'histoire d'une petite fille. qui va voir sa maman et lui dit « Maman, eh ben cette fois, je sais qu'on fait les bébés. » »« Ah bon ? Et comment fait-on ? » ?»« Eh bien, le papa et la maman vont dans la chambre. Le papa se met tout nu. Son machin devient tout dur. La maman le met dans sa bouche et avale tout. » La maman avec un petit sourire. Ah non, ça, ma chérie, c'est pour les bijoux. C'est une jeune starlette désabusée qui revient d'Hollywood et sa copine, qui est jeune actrice aussi, qui dit « Alors, ça s'est passé comment ?»« Oh bah au début, très bien. Hein. J'ai rencontré un producteur qui m'a dit qu'en moins d'un an, j'aurai un Oscar grâce à lui. Ah, et alors ?» Bah alors, il a tenu parole. Oscar, viens dire bonjour à la dame. Donc, c'est sur un bateau des passagers qui partent en voyage. Donc, c'est des naufragés qui arrivent sur une île. Donc, il y a six filles et un mec. Et ils sont super contents. Ouais, on s'en est tiré. Super génial et tout. Maintenant, on va falloir s'organiser pour survivre ensemble, tout ça, ok, alors ils répartissent les tâches, voilà, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Et puis les filles, elles se réunissent entre elles, et puis elles viennent voir le mec, et dit, et puis bah, pour assouvir tous nos besoins sexuels à toutes les six, bah, tu devras chaque soir faire l'amour à l'une d'entre nous. Puis bon, bah, t'auras ton dimanche pour te reposer. Et le mec au départ, super content, ouais. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche repos. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche repos. Lundi, mardi, mercredi, il prend sur lui, mais bon, vendredi, samedi, et puis un dimanche, il voit un bateau arriver et paf, il coule. Donc vous avez remarqué, quand un bateau coule, ça fait paf. aucun survivant. Et le mec, il aurait bien aimé qu'il y ait un mec. Et puis à un moment, il voit « Au secours, j'ai pas nager, au secours !» Il entend et il se précipite. Il attrape un mec et il ramène sur la plage. Oh, « Je suis trop content de te voir, mec !» Et il se dit tout de suite « Ouais, tu vas m'aider. » Voilà, je vais t'expliquer le truc. Il fait « Ah non, non, non, moi ça va pas se passer comme ça, mon chou. » Et le mec, il se dit « Eh merde, mon dimanche !» Alors, c'est mamie qui est proche de la mort. Qui est dans son lit et il y a papy à ses côtés. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Va dans le grenier. Au fond à gauche, tu trouveras une boîte. Alors, papy monte au grenier. Il découvre une boîte cachée sous la paille. Il l'ouvre et dedans, il y a 3 œufs et 15 000 euros. Alors, il retourne, il va voir la grand-mère. Mais attends, c'est quoi ces 3 œufs ? Oh, chaque fois que j'avais pas d'orgasme avec toi pendant ces 50 dernières années d'amour, je mettais un œuf dans cette boîte. Bah, ah oui, bah dis donc, c'est bien. C'est très bien. Il y a que 3 œufs en 50 ans d'amour. Ça, c'est parfait. Mais attends, et les 15 000 euros ? Chaque fois que j'avais une douzaine d'œufs, j'allais les vendre au marché. Bon, allez, on revient dans quelques instants avec José Cruz. J'habite en thème. Bon, allez, pour remonter le niveau de ma dernière blague, voici la nouvelle tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Une blonde rentre dans un magasin d'animaux, ça s'appelle une animalerie. À l'entrée, elle voit un perroquet, 3000 euros, putain, comment ça se fait que ce perroquet est si cher ? Ah ben, Paname... Il parle deux langues. Vous lui tirez sur la patte droite, il parle français. Vous lui tirez sur la patte gauche, il parle l'anglais. Waouh ! Et si on lui tire les deux pattes ? Et le perroquet répond : je me casse la gueule, connasse. Je voulais être un peu grave deux minutes. Ah. Pour parler du passé de Maurice. Ah. Car on le sait peu, Maurice a été dans la Gestapo pendant. Et un jour.

Hola. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais être comédien, ils étaient mais ils étaient mais content, le mot est faible. Mon papa d'abord. Bordel de merde. Tellement il était content, il avait plus à parler. Et puis finalement, il a réussi à dire quelques mots. Maria. Maria, c'est ma maman. Maria, écoute ton fils. Écoute ton fils. Alors vous avez dû remarquer, les parents, dès qu'on les contrarie ou qu'on fait une connerie, on est toujours le fils de l'autre. Ma maman, elle était super contente, elle. J'ai joué, je m'rie. Ah, José. Ah, José. Et comédien. Comme dans Urgence. Mais José, mais on n'a même pas fait médecine. Oh, José, la honte pour la famille. Tu vas finir brancardier. Au pire. Au pire, à mort. Que même pas tu parles quand la caméra est proche. Au pire que tous les pires, à mort de dos. José Cruz, le mort de dos. Bravo, José, bravo. Mario. Mario, c'est mon papa. Maro, ton fils est un drogué. Et c'est ainsi que je suis devenu orphelin. Alors, pour réaliser mes rêves, je les ai quittés. Je suis parti vivre loin, très loin, en bas dans le garage. Et je me suis inscrit au cours de cinéma de Madame Snaff. Et dès le début, elle avait tout de suite senti que j'avais un gros potentiel. Ah, celle-là, ça t'intéresse, là, tout à coup. José Nuno Manuel Coelho Duarte de Jesus de Vasconcelos da Cruz. Tu es portugais. Bordel de cul de pompe à merde, c'est le ciel qui t'envoie, mon petit chéri. Écoute-moi, figure-toi que je viens d'acheter une petite bicoque à la campagne. Trois fois rien, 700 mètres carrés. Quand peux-tu commencer les travaux? C'est comme si tous les Portugais avaient une truelle à la main. T'imagines le truc? Oh, oh là. Oh, les jolis mours que voici. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, merci papa, mon premier sac de ciment. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une épée? Ah, un balai. Tiens, petit short, c'est pour toi. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? Oui, dis donc que ça coupe, hein. Un rasoir? Ah, tiens, petit short, c'est encore pour toi. La suite du spectacle Hola de José Cruz, ça sera au théâtre Darius Milhaud à Paris. GG, métro Porte de Pantin. Tu t'arrêtes à Stalingrad, c'est juste à côté de chez moi. Tu viens faire un petit dîner avant d'aller travailler. Là, après, tu vas avoir un verre pour te détendre. Et sinon, en bus, vous prenez le PC2, le PC3. Bon, pop. Mais là, Gérard, tu sais, tu t'arrêtes à tous les auditeurs qui nous écoutent. Donc, ils vont tous s'arrêter à Stalingrad pour venir manger un petit dîner. Eh ben, ils sont bien les bienvenus parce que mon darling fait très bien la cuisine. Oh là, quelle gentillesse, merci. Je connaissais les restos du cœur, je connaissais pas les restos du cul, moi. Je connais la maison. Bon, allez, la dernière tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Bob. Alors, un nouveau père, hein, c'est les choses qui arrivent, d'être nouveau père. Il est avec un ami, il lui dit « Vous trouvez que mon fils me ressemble ?» L'ami dit « Oui, oui, mais grave, l'essentiel c'est qu'ils soient en bonne santé. » Alors Philippe, tout à l'heure vous parliez du docteur Maurice. Oui. Mais le docteur Maurice est de la promotion, il est chirurgien maintenant. Et il sort de la salle d'opération et il croise un autre docteur. Le docteur qui dit « Alors docteur Maurice, ça s'est bien passé cette biopsie ?» Hein ? Biopsie ? C'était pas autopsie ? Il y a deux gars qui sont dans une discothèque à faire et ils repèrent. Oh ! On va retravailler mes cours d'addiction française. Et ils repèrent une fille super mignonne qui fait banquette depuis un moment. Et alors, il y a un des gars, il lui dit, waouh, elle est super mignonne, j'ai trop envie de la voir, je sais pas quoi lui dire. Et le mec, son pote, il lui fait, bon, attends, c'est simple, tu lui fais un petit coup tranquille, tu lui fais, eh, vas-y, dis un chiffre entre 1 et 9. Elle va te répondre, je sais pas, moi, 6. Et puis, bravo, t'as gagné, tu passes la soirée avec moi. Et le mec, ah ouais, tu crois que ça va marcher, ouais? Bon, attends, tranquille, ça marche tous les soirs avec moi. Ok, j'y vais. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Dites un chiffre entre 1 et 9. Ah, bah, je sais pas, moi, 8. Oh merde, vous auriez dû 6, on aurait passé la soirée ensemble. Un type drague une fille dans un type drague une fille de trop près. Il lui dit, je peux lire en toi comme dans un livre. Eh ben dans ce cas, t'enlèves tes sales pattes, je suis pas écrite en braille. Alors, une petite dédicace pour José. Vous savez qu'en France, on avait l'abbé Pierre. Mmh. Et au Portugal, ils ont la gay Pierre. Non, ils ont la bétonnière. Bon, résultat des courses. Parce qu'il y avait quand même deux équipes. C'est vrai qu'il y avait une course. Alors, l'équipe des débutantes. C'est honteux parce qu'ils ont triché. Non, pas du non, tout. Je du crois tout. Qu'il y a une réclamation. Poutiniste. J'ai écouté. Mais c'est Juju, c'est pas la peine d'hurler. C'est toi qui nous as fait perdre. Donc l'équipe des débutantes. J'ai été piégé par 3 points. 3 points, on les applaudit quand même. Parce que sinon. Bravo, 3 ouais. points exceptionnels. Bon, et l'équipe des top of the best. Oui, oui, 6 points. C'est donc, pas. Vous avez gagné. Presque le double. Socialiste. Oh, nombril débutant. Donc ça va nous permettre d'applaudir à nouveau et de le remercier parce qu'on ira le voir au théâtre Darius Milhaud à Paris. Notre invité ce soir, José Cruz. Ouais. Bravo. Merci, merci, je vous aime. Métro Porte de Pantin parce qu'il n'y a pas de place pour garer les Rolls. Donc on va applaudir aussi parce qu'il est fait partie des meubles. C'est Bob du club. Ah, ouais, GG. Ah bah heureusement que je suis là. Ah oui, ah bah, sinon je peux pas perdre. Frédéric Coster. Oh, actuellement au Comic Hall à Paris. Oui, dans le 19e métro Pyrénées. Tous les petits enfants. C'est pas vrai, j'en avais 3 dans la salle la semaine dernière. Site internet de Fred. myspace.com/Frédéric Coster. Émission réalisée par Davy ce soir. Hey. Qui n'a plus d'oreilles. Voilà. Deux choses importantes, vous voulez réentendre l'émission, vous pouvez le faire sur Facebook en rejoignant le groupe On va se marrer sur Facebook. Ou bien sur iTunes, vous l'avez aussi dans les podcasts d'iTunes, vous tapez On va se marrer comme c'est juste après On va se gêner. Et puis oui, c'est facile, c'est une arnaque. Et puis sinon oui, parce qu'il y a une autre émission sur une autre radio qui s'appelle comme nous. Ah, radio de province. Ouais, ah, la voleuse. Non, t'énerve pas GG, t'énerve pas, c'est autre chose. C'est pas grave. Et sinon, le podcast, si vous avez pas iTunes, c'est sur onvasemarrer.com, sans accent et sans espace, on le dit pour et Bob. Sans apostrophe. Merci. Sans apostrophe, Bob. Et sans apostrophe, oui. Merci de votre fidélité. Ah. Rendez-vous la prochaine fois. Bravo. Au revoir à toutes et à tous. Je suis super content d'être avec vous ce soir, les filles. Je vous dis rendez-vous tous les samedis soirs pour rencontrer toutes mes copines. Gwendoline, il y a aussi Mafalda, il y a aussi Fatima. Je vous aime. Et bien, on rentre à la maison. Et après, il y a une after, je veux dire...